Bah que c'est pas l'amour fou. Non, c'est pas l'amour fou, mais bon, quelque part, on est bien placé pour savoir que ben Fanny, on met du budget pour Fanny, ben tant mieux pour nous. Tant pis pour le waterpolo, c'est un peu dommage pour le waterpolo, j'en conviens, je suis le premier à être frustré. Mais bon, ben voilà, on a un club avec des affiliés, on est 800 affiliés, on a une dizaine d'affiliés au niveau natation qui sont suivis par la fédération. L'argent qui vient pas d'un côté, il vient de l'autre, donc un président heureux. Dans quelques instants, place à l'info sur Viva. Merci à l'Eventator, fidèle à la technique. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Ce dimanche 25 septembre, c'est le Loyalty Sunday chez Galeries Aino. Ne le ratez pas, vous profiterez de moins 20% sur une grande sélection de marques dans tous nos magasins. Tous les styles vous y attendent. En plus, les bons Loyalty sont acceptés, voire conditions en magasin. Galeries Aino, l'espace de style. Oh là là! Bon réveil, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Il devrait être présenté en fin de matinée à l'Élysette. Le budget wallon est presque bouclé. Un budget qui, comme promis, ne comporte aucune nouvelle taxe. Des wallons qui rachètent des fleurons aux flamands. L'entreprise Loax de Tongres est désormais aux mains d'entrepreneurs Carolo et elle tire parti des atouts des deux côtés de la frontière linguistique. L'escalade militaire à Alep en Syrie, sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Réunion d'urgence prévue cet après-midi. De grands travaux dans les grands souterrains de la citadelle de Namur. Des kilomètres de galeries, casemates et autres abris ont été creusés depuis le Moyen-Âge. Visite en fin de journal. Vos informations avec Catherine Tonnero. Bonjour à tous. Les calculettes ont encore chauffé hier. Les ministres wallons ont quasi bouclé leur budget. Un budget sans nouvelle taxe. Il sera présenté tout à l'heure à l'Élysée. Yasmina Favaro, qu'en sait-on pour l'instant ? Pas grand-chose. Effectivement, il n'y aura pas de nouvelle taxe pour les wallons. C'était une promesse de la majorité PS-CDH. Une promesse tenue, donc. Alors, avant de nous livrer les détails à 11h, le gouvernement wallon travaille encore. Car si le budget est quasi bouclé, les dernières finitions sont apportées dans les différents cabinets. Elles seront validées ce matin. Si rien ne filtre, on comprend tout de même entre les lignes qu'un budget à l'équilibre, ça ne devrait pas être pour tout de suite. Car s'il y avait déjà des contraintes sur le budget, la confirmation qu'il n'y a pas de nouvelles taxes, donc pas de nouvelles recettes, ça retarde encore un peu plus un retour à l'équilibre. Au départ, c'était prévu pour 2018. Et la Flandre a elle aussi bouclé son budget hier matin. Yasmina, un budget à l'équilibre là. C'est plutôt un bon bulletin pour le gouvernement flamand. Un budget à l'équilibre, sans nouvelles taxes et avec 400 millions d'investissements. La fierté de l'OpenVLD, Bart Tomelain, le ministre flamand du budget. Il était déjà clair avant l'exercice budgétaire que des investissements allaient être faits dans des domaines différents comme l'enseignement, le bien-être et la recherche. Notons tout de même que ce budget ne prend pas en compte les frais de construction du contournement d'Anvers, un coût qui devrait tout de même être assez important. Merci Yasmina. Yasmina Favaro avec nos confrères de la VRT. Le budget fédéral est lui loin d'être bouclé. On en a parlé cette semaine. Ce n'est pas 4,2 mais 2,4 milliards d'euros qu'il va falloir trouver pour équilibrer les comptes jusqu'en 2017. Le trou budgétaire qui sera au cœur des débats de l'émission, à votre avis, la ministre fédérale du budget Sophie Wilmès sera l'invitée de Sacha Daout et de ses chroniqueurs. À votre avis, à suivre dès 11h45 sur la Une Télé. Un fleuron flamand qui passe aux mains d'entrepreneurs wallons, ce n'est pas courant et pourtant, l'entreprise Loax basée à Tongres a désormais à sa tête deux entrepreneurs bien connus de la région de Charleroi. Didier Egermont et Dominique Deliège dirigent cette société spécialisée dans la construction et qui tire toute sa force de la mixité nord-sud du pays. Luciano Arcangeli. C'est un groupe de plus ou moins 120 personnes avec un chiffre d'affaires qui varie de 12 à 15 millions d'euros selon les exercices. Le groupe Loax est une entreprise nationale du secteur de la construction avec une mixité culturelle entre les gens du Nord et les gens du Sud. Une mixité qui donne une vraie force à cette entreprise. C'est ce qu'explique Didier Egermont qui a développé les activités du groupe en Wallonie avant de reprendre progressivement les parts de la société. Nous sommes présents sur trois segments de marché. La maisonnée familiale où franchement notre réputation n'est plus à faire. On a un deuxième segment dans lequel on est actif, c'est le segment des gros ensembles immobiliers dans lequel on s'est spécialisé dans le marché niche de la maison de repos. Dans les 20 dernières années, nous avons construit, transformé, adapté environ 50 maisons de repos. Dominique Deliège est venu le rejoindre dans cette aventure. Un autre entrepreneur carolo qui renchérit, ce n'est pas tous les jours que des Wallons rachètent des fleurons flamands. La mixité culturelle entre les gens du Nord et du Sud donne une vraie force en entreprise, entre rigueur, créativité, convivialité des deux côtés. Beaucoup d'entrepreneurs wallons devraient s'inspirer peut-être un peu de l'expérience de Didier Guermont, qui a réussi à convaincre des actionnaires familiaux qu'il y avait un marché sur Charleroi, qu'il fallait investir sur Charleroi, qu'il fallait recruter des carolos, des ingénieurs, des ouvriers, et que pour rendre possible aujourd'hui à terme une activité importante sur la région de Charleroi, aujourd'hui 90% du chiffre d'affaires de l'Oise est réalisé en Wallonie. Après 20 heures de cavale, le suspect de la fusillade qui a fait 5 morts hier au nord de Seattle a été arrêté. L'homme avait ouvert le feu dans un centre commercial, tuant 4 femmes et un homme. Selon les médias locaux, il a été interpellé à une cinquantaine de kilomètres des lieux du drame. Le motif du tueur n'est pas encore connu, mais selon le FBI, aucun élément ne lie l'affaire au terrorisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à la demande des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Une réunion d'urgence consacrée à l'escalade des violences à Alep en Syrie. Et les grandes puissances veulent que la Russie sauve ce qu'il reste de la trêve, Anne-Sophie Breun-Dronks. Au moins 45 civils ont encore perdu la vie hier à Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Victimes d'une nouvelle pluie de bombes larguées par le régime syrien et les avions russes, pour le cinquième jour consécutif, les quartiers rebelles de la ville subissent des bombardements incessants. Alep est un enjeu majeur dans le conflit. Le régime de Bachar al-Assad contrôle la partie ouest et assiège la partie est tenue par les insurgés. Aidé par ses alliés russes, l'Iran et le Hezbollah libanais, il entend reprendre le contrôle total de la deuxième ville du pays. Sur place, les habitants sont privés de tout, de vivres, d'eau, de matériel médical. Le dernier cessez-le-feu dans les combats avait été initié par Washington et Moscou, qui soutiennent des camps opposés, mais la trêve a volé en éclats une petite semaine après son entrée en vigueur. Les États-Unis, l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères de 4 pays, France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne, tiennent la Russie pour responsable. Ils ont signé un texte commun, rédigé en termes très fermes. Ils lancent un avertissement à Moscou et parlent de, je cite, « son incapacité et son refus fut persistant de tenir ses engagements. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à 17h cet après-midi. On passe au sport et tout d'abord en tennis. David Goffin ne jouera pas la finale du tournoi de Metz. Le Liégeois s'est incliné hier en 2-7 face au Français Lucas Pouille, 7-6, 6-1. Une troisième défaite en 3 duels de Goffin face aux Français. En football, Charleroi remonte sur le podium de la D1. Les Zèbres ont battu Ostende hier soir 2-1. Zulte Waregem est toujours en tête après son succès 2-3 à Malines. La Gantoise a battu Saint-Tron 2-1. Partage un but partout enfin entre Wasland et Lokeren. Cet après-midi, le Standard reçoit Eupen. Le Standard doit se racheter après son élimination mercredi en coupe à Gael, un club amateur. On écoute l'entraîneur Alexander Jankovic. Il n'y a pas de petites équipes, ça c'est sûr et certain. Ça, on l'a bien vu. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est que quand nous, on est à notre niveau, au niveau de combativité, discipline, surtout rigueur et générosité, on peut être très performant, ça ne tombe pas du ciel. En ce qui concerne la mentalité et l'effort, on n'est jamais à l'abri. Ça, c'est quelque chose qui est, après le match de coupe, plus que clair. Le match contre Eupen, c'est très très important pour nous. Ça nous permet de garder la bonne dynamique dans le championnat et de bien préparer le prochain match qui arrive très vite aussi contre l'Ajax. Une interview de Pierre Capard. À 20h, Anderlecht reçoit le dernier Westerlo. En volée, la Belgique féminine est qualifiée pour l'Euro. Les Yellow Tigers ont gagné leur 5e match consécutif hier contre la Bosnie. Enfin, les 3 communes les plus sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été élues hier. And the winner is Charleroi et Pontacel dans le Hainaut et Amois dans le Namurois. 64 communes avaient composé des équipes dans Wii Sport pour cette 20e édition du Trophée des communes sportives. La Fédération Wallonie-Bruxelles en fête, ce sera mardi, mais des concerts étaient déjà organisés hier soir sur la Grand Place de Bruxelles. Sur scène Puggy, Alice on the Roof, Soul ou encore Kid Noise. Ils ont attiré 6000 personnes en tout, soit la capacité maximale de la Grand Place. Aucun incident n'a été signalé. Bonaparte l'avait surnommée la termitière de l'Europe. La citadelle de Namur a en son sous-sol plus de 7 km de souterrains, galeries, casemates et autres abris creusés depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, les autorités publiques mettent le paquet sur la restauration de ces grands souterrains, produits phares pour les quelques 36 000 visiteurs accueillis chaque année. Ils méritaient bien de grands travaux de nettoyage et de mise en valeur, des travaux en cours et qui devraient être terminés à l'automne 2017. Visite avec Sonia Boulanger. Alors ici, on entre donc dans la partie 19e siècle. Ce sont les Hollandais qui... C'est Arnaud Gavrois, l'échevin en titre de la citadelle qui mène la visite. Les souterrains et surtout leur histoire, il les connaît comme sa poche. Pour lui, ces vestiges réparés seront dès l'automne 2017 l'une des attractions phares, dit-il, du site tout entier. Ce n'est pas uniquement raconter un siècle. On va traverser 10 siècles d'histoire militaire, d'histoire européenne, d'histoire géopolitique. Et en quelques centaines de mètres, on fera le tour complet. Donc Namur, citadelle européenne, ce n'est pas un nom usurpé, c'est la réalité. Mais avant cela, les ouvriers d'entreprise wallonne s'activent pour carchériser, rejointoyer, recimenter en suivant une règle de base. C'est de rendre beaucoup plus visible l'aspect premier de ces souterrains, sans nécessairement gommer, évidemment, toutes les strates de l'histoire. Et encore moins d'effacer ces noms et ces dates gravées dans les murs de ces couloirs du temps. Des couloirs qui bénéficieront de 800 000 euros, subsidiés à hauteur de 95% par la région wallonne pour un sérieux lifting. Le point RTBF Mobile Info avec David Godefroy et deux piétons sur la E42, David. Le 42, Namur-Mons, peu avant la Louvière, en direction de Mons, effectivement, prudence. Et puis attention aussi à cet objet encombrant, cette bâche sur le 42 Liège-Namur, entre Bierzé et Flémal. La bande de droite est encombrée vers Namur. Enfin, toujours des suites de ce camion qui a brûlé sur le 313 Liège-Anvers à hauteur de Ranst. Les bandes droites et d'arrêt d'urgence restent neutralisées vers Anvers. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les enfants de cœur sont sur Vivacité. Vous retrouvez Jean-Jacques Brunin. C'était Catherine Tonnerreau aux commandes du journal. Et ce matin, les enfants de cœur ont la pêche au pays de la fraise. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Les enfants de cœur sur Vivacité. Bonjour chers amis, nous et Pion, j'ai vraiment l'impression d'être en famille ici, dans la salle du Bienvenue. Merci, bravo également à la SBL Saint-Antoine qui nous invite ce dimanche 25 septembre. Est-ce que vous êtes en forme? Alors vous qui avez envie de rire et de vous amuser, je peux vous garantir que vous êtes à la bonne adresse. Alors aujourd'hui dans Les Enfants de Cœur, nous recevons un visage de cinéma, de théâtre et de télévision, en scène avec son épouse, Tania Garbarski. Il est en tournée avec une pièce vraiment magnifique, écrite pour eux par Philippe Blasmand. La pièce a pour titre « Tuyauterie », qui est déjà tout un programme. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Charlie Dupont. Je le vois, je l'aperçois dans sa tenue d'été. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Ah, il est venu. Bonsoir, mes pions. Est-ce que tout le monde est content? Non, pas moi. Pardon. Parce qu'on est dimanche matin, 9h15. Bonjour, Wépion. C'est tout de suite beaucoup mieux. Et on n'est pas à Wépion. Bonjour, Namur. Mais si on est à Wépion, Charlie. Bonjour, Wavre. Asseyez-vous. Je me mets là. Installez-vous. On est très malheureux que votre épouse, Tania, ne soit pas là. Je vais la remplacer avantageusement. Vous croyez? Oui, je vais voir ce que je peux faire. N'est pas le même décolleté. Arrête, tu m'excites. Alors, Charlie Dupont, il faut savoir, a écrit les sketchs à une époque, pas si éloignée que cela, de Faux Contact. Faux Contact, je vous resitue, c'est ce policier à la syntaxe très approximative, connu pour son célèbre « Ébardaf, c'est l'embardé ». Et c'est donc Charlie Dupont qui va vous présenter l'équipe des enfants de cœur à la façon de Manu Toro. Il est toujours prêt à fouiller la petite bête plutôt que de se retrousser les coudes.

Ils viennent toujours, le club. Mais beaucoup, hein, ils viennent, que c'est deux, trois fois par semaine qu'ils viennent. Que... Il y a deux jours, là, ils me disent, on va rentrer parce que là, on va aller faire l'amour. Je prends une douche, je me rase la bite et j'arrive. Bonjour, madame. Les enfants de cœur. Bon, l'accent espagnol, c'était celui de Charlie Dupont. Je me rase la bite, c'était pas toi, hein. C'est ton problème que tu rases ta bite, il n'y a rien à foutre, moi. Si. En fait, il est dans une série qu'on a pu voir sur, ah oui, sur Canal qui s'appelle Hard. C'est l'histoire d'une femme qui, à la mort de son mari, hérite d'un empire porno dont elle ignorait l'existence. Oui, mais pourquoi cet accent espagnol ? Est-ce que tu as pas le type espagnol quand même ? Non, je croyais que c'était une série radio à la base. Non, parce que je sais pas. C'est enfin qu'il a fait la semaine d'avant qu'il avait fait le casting, il avait fait un petit film de conneries pour l'anniversaire d'un pote et il avait fait ce personnage que c'était Vito Corleone. C'était un mafieux qui a la bite énorme et il a proposé ça le casting et elle a pris ça. D'accord. Alors, bon, il y a une chose à préciser à propos de Charlie Dupont, c'est qu'on a une dette morale envers lui. Ah oui, c'est vrai. Nous étions à Bruxelles, sous le chapiteau de Bouglione. Le premier enregistrement public que nous devions faire, c'était il y a 6 ans très précisément. Public est un grand mot. Oui, justement. Parce que nous avions exactement, en tout et pour tout, une personne dans le public. Oui. Personne est un grand mot. Oui. Qui s'ennuyait ferme et qui n'est pas resté jusqu'au bout. Il est arrivé par hasard. Oui, je pense aussi. Et puis alors, comme nous étions un petit peu gênés, consternés par rapport à Charlie, je l'ai réinvité une deuxième fois. Oui. Mal m'en a pris. C'était l'étape de l'ICDI à Esoprel. Tchernobyl. Oui, voilà, c'est ça. ICDI, ça veut dire intercommunal de collecte des déchets. C'est à Esoprel et c'était rue du Déversoir. Oui. Je pense que nous étions dans le déversoir. Hein. Oui. Carrément. C'est bien possible. On a été bien accueillis. Hein. Il ne manquait plus que ça. Ils avaient l'habitude de voir des ordures. Et donc, je me suis dit, bon... Et donc, Charlie, je me suis dit, on va quand même vous réinviter dans des conditions plus habituelles pour les enfants de cœur. Et c'est finalement, pas pour ce soir, visiblement. Allez, on va écouter la chronique de Dominique Watrin. Les enfants de cœur. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les sexopédos, je sais tout, psychiatre, l'affirme à longueur d'émissions savantes sur les ados. Les premiers émois amoureux des jeunes d'aujourd'hui sont plus influencés par les films porno que par l'histoire de la petite graine qui monte, qu'on nous racontait à nous. Je ne vais pas jouer au vieux con, vu que je ne suis pas très vieux. Mais de mon temps, le premier flirt, ça se vivait dans la délicatesse. À l'époque, la tragédie n'était pas d'avoir envoyé à une fille un selfie de sa bistouquette qu'on imaginait grande comme un boa constrictor et que la photo montrait petite comme un vermicelle de potage chinois. Nous... Non, madame, on ne rit pas de ça. Hein. C'est douloureux. Nous, le plus gros drame de nos débuts amoureux, c'était le bras qui dort. Le piège douloureux se refermait toujours de la même manière sur sa victime. Phase 1, dans une boum, vous aviez emmené une fille en kickers sur la piste de danse pour la série de slow. Parce que piétiner sur place sur Hôtel California pendant 6 minutes 30, question rythme dans la peau, vous le teniez bien, mais vous n'aviez rien osé. Phase 2, vous étiez assis depuis 2 heures à côté de la fille qui fixait le fin duvet au-dessus de vos lèvres, comme s'il s'était soudain transformé en moustache de magnum. Et phase 3, enivré par votre première bière grenadine, avalée à petites gorgées, parce que la bière, c'est quand même super amer après 16 ans de coca non-stop, vous passiez le bras autour de son épaule. Et c'est à cet instant, à cette seconde, que commençait le supplice du bras qui dort. Figé comme une statue de tétraplégique au musée Grévin, vous sentiez monter progressivement dans votre épaule, puis dans votre biceps taille extra small, puis dans votre main, un fourmillement qui vous paralysait tout le bras droit, comme si vous aviez planté vos deux doigts dans la prise après les avoir trempés dans le verre à dents de votre grand-mère. Et dès ce moment-là, un dilemme crucial envahissait votre cerveau. Perdre d'un coup les 30 cm de rapprochement obtenus à la sueur de votre timidité ou tenir absolument en gardant votre contenance de tombeur, modèle post-culotte courte avec acné de série. Et pour couronner le tout, la demoiselle vous murmurait rougissante « Ça va ?» Et vous, vous répondiez comme si un ventriloque parlait à votre place « Super bien !» Au fil... Ça sent le vécu dans la salle. Là. Au fil de la soirée, la douleur s'intensifiait, mais vous ne bronchiez pas. Grâce à votre deuxième bière grenadine, vous l'aviez embrassée, récupérant au passage un peu de sa salive qui vous confirmait que son coca avait quand même meilleur goût que votre bière. Après une demi-heure, vous vous disiez... Ce serait trop bête de lâcher, je ne l'ai embrassé que deux fois. Et vous vous accrochiez à votre tournage de langue, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. 10 minutes plus tard encore, vous vous disiez, ce serait stupide de craquer, je ne l'ai embrassé que 117 fois. Et par chance, la gerçure qui commençait à vous picoter complètement les lèvres vous faisait un peu oublier votre bras. Finalement, c'était le père de la jeune fille, venu la rechercher à minuit, dont la silhouette se découpait subitement dans le fond de la salle, qui, en provoquant chez vous un sursaut de baronne qui s'assied sur un coussin péteur, vous débloquait instantanément le bras. Et vous terminiez la baume, seul, en ayant une unique préoccupation... Ne plus serrer la main à personne durant tout le reste de la soirée. Je vous remercie. Il s'appelle Dominique Watrin. Chronique en images sur la plateforme Ovio de la RTBF. Bon, question mystère. Je vous explique en deux mots. Cody va nous poser une question. Nous allons devoir nous-mêmes l'arroser de questions pour trouver la fin de l'histoire. D'accord. Quelle est la particularité du Love Tour 2016, course cycliste française de 10 étapes, outre le fait que ce soit une vraie épreuve sportive, puisque chaque étape fait entre 130 et 250 km? Le Love Tour, est-ce que ça se passe sans selle? Ils sont nus. Ah, c'est... Ouais, c'est... Non, non. Ils sont nus. Non. Est-ce que la particularité se passe entre les étapes? Oui. Bon, aux étapes. Il s'agit de faire l'amour entre chaque étape. Non. Ben oui. Dommage. Mais est-ce que la particularité est liée au vélo ou pas du tout? Non. Aux étapes. C'est lié aux étapes. Aux étapes. Pas réservé aux pédales. Plaisanterie. Ça aurait pu, mais non. Et c'est valable uniquement en France. C'est lié avec Love? Non. C'est pas lié avec Love, mais c'est valable, c'est uniquement valable en France. Et ça concerne chaque étape. Ah bon, je sais pas. La particularité... Ils doivent garder leur casque sur la tête pendant toutes les étapes. Non, bien, Cody est très content que je lui fasse cette question mystère qu'il avait oublié. Exactement. Le gong a de retentir. Réponse, Cody. Alors, le gong a retenti. La réponse, c'est la vingtaine de cyclistes qui participent rejoignent des communes au nom suggestif. Ils sont donc traversés, par exemple, la commune du Fion d'Or, Anus, Sainte-Verge, Tendue, Poil, Vulvose, Chatte, Glandage, Deux Verges, Sexe, pour arriver à mon cul. Merveilleux, merveilleux. Bon, ça a lieu chaque année. Merci beaucoup mon cher Cody. Petite pause dans les enfants de cœur. James Dino et ses questions Zarbi pour Charlie Dupont. Et une question mystère sonore, c'était pas mieux avant. À tout de suite. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. Vous souhaitez

J'ai du jingle. Ah oui, absolument. Alors, Charlie Dupont, la dernière question qui tue. Vous qui êtes un farceur, est-ce que vous pouvez enfin nous révéler ici à tous, et on a tous envie de le savoir, ce que font les poissons d'avril le reste de l'année? La même chose que les Gilles de Binge quand ils ont atteint la frontière de Binge. Je prétends qu'ils continuent à faire l'entièreté du tour de la Terre, qu'ils reviennent 364 jours plus tard de l'autre côté de Binge. À mon avis, le poisson rouge en avril fait la même chose. Il attend son tour. Merci Charlie Dupont et oui. Merci. Et bravo à la question, Jem Dino. Alors, c'était pas mieux avant. J'étais jeté un coup d'œil et une oreille dans les archives de la Sonuma. Et j'ai retrouvé cette interview qui date de 1962. L'intervieweur est un certain Paul Damblon, que personne n'a oublié, évidemment. Et le thème de l'interview, c'est « Comment garantir la solidité d'un couple ? Écoutez. » Quelles sont les modalités d'existence d'un couple ? Moi, je crois que la femme... Je crois que la femme... Doit faire le poney, je suppose. Non, pas en 1962. Ce serait pas un truc genre satisfaire toutes les demandes de l'homme, un truc très machiste. Oui, on est là-dedans dans cette thématique-là. Doit servir son mari. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle doit à son mari, la femme, en 1962? Obéissance. Obéissance. Obéissance, 1. 2. Fidélité. Troisièmement, fidélité. Effectivement. C'est ce que je leur dis à toutes. Et qu'elle se retourne le dimanche. Et je suis seul. Mais non, alors c'est incroyable. Donc, obéissance, fidélité. Écoutez. Moi, je suis d'accord. Moi. La réponse de c'est quelqu'un de sérieux. Parce qu'en fait, parmi les intervenantes, il y avait notamment Françoise Giroud, quand même romancière, qui a été ministre. Françoise Giroud ne parle pas assis, tu sais. Non, je sais bien. Non, mais je veux dire qu'on n'a pas son nom de cette dame-là. Non, mais c'est pas Françoise Giroud. Essaye pas de faire croire que c'est Françoise Giroud. Il y avait aussi Françoise Giroud. Et voilà ce qu'elle répond à Paul Damblon. Moi, je crois que la femme doit être absolument soumise à l'homme. L'obéissance à l'homme. Je crois que la femme doit être absolument fidèle. Et l'homme ? Et l'homme, il ne faut pas exiger une fidélité. Je pense que la fidélité foncière d'un homme dépend uniquement de la liberté que lui donne la femme d'avoir, quand il veut et où il veut, bravo, toutes les expériences sexuelles possibles. Merci Marie-Claude Daesh. Non, et comme le disait Alexandre Merbeck, il est grand temps de revenir à nos valeurs fondamentales, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une belle époque, hein. En tout cas, c'est la preuve que cette séquence porte bien son nom, c'était pas forcément mieux avant. Et comme disait Christophe, faut pas demander quand Françoise Giroud pète. Ah, il y a deux écoles. Ah oui, il y a deux. Mais non, c'est pas possible. Tu vois l'effet que ça fait, Christophe? Ah, quand c'est les autres. Il est grand temps de faire une petite pause. Il est grand temps. C'est maintenant. Nous aurons le journal des bonnes nouvelles de Cody. Ah, et oui. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, Cody. Oh, que des bonnes nouvelles. Parfait. Et alors, notre personnage mystère du jour, dans quelques instants, juste après la pause. Une femme soumise. Pour écrire aux enfants de cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement, deux chambres, entièrement équipé à partir de 185 000 euros, hors TVA et frais, à City Docks. City quoi? City Docks, D-O-X, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, visitez le pavillon de vente sur le site. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Vivacité présente. Dis maman, ce week-end, on va au Jardin des Wyrts? Tu veux dire des Vières? Ah bon, tu crois? Oh oui, ce week-end au Jardin des Vières, c'est la fête des plantes et du Jardin de l'âne. 200 professionnels belges et étrangers proposent leurs plus beaux produits et partagent leur passion de la nature. C'est 30 septembre, 1er et 2 octobre, fête des plantes et du Jardin à l'âne à deux pas de Bruxelles. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et... On passe la première, puis la deuxième et la troisième. Bien souple le poignet et un et deux et la troisième. Bien! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscription et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Ce dimanche 25 septembre, c'est le Loyalty Sunday chez Galeria Hino. Ne le ratez pas, vous profiterez de moins 20% sur une grande sélection de marques dans tous nos magasins. Tous les styles vous y attendent. En plus, les bons Loyalty sont acceptés, voire conditions en magasin. Galeria Hino, l'espace de style. Oh là là! Vivacité vous invite à l'avant-première de Brice 3. Tu m'as bien regardé là? Ouais, d'ailleurs j'aimerais bien voir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Jean Dujardin revient avec son personnage culte dans une suite désopilante. Pour y assister en présence de Jean Dujardin le 29 septembre à Bruxelles et Braine-l'Alleud, composez le 0905 56 473. 50 scènes par appel. Vous savez ce que vous devez faire? Je vous dois. Ah, avant que vous et moi on entame ce genre d'activité, j'ai une question. Oui ? Pourquoi ? Les enfants de cœur. C'est la grande question de tuyauterie. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pourquoi la question que l'homme plombier se pose. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que les femmes fantasment comme ça sur les plombiers ? Votre femme sur scène a une tenue quand même très très légère. Ah, j'y vais. C'est bon, papa, c'est bon. Comment ? Elle est toute la pièce en nuisette, sur des talons comme ceci. Pourquoi ? Non. On n'attire pas les bourdons avec les nègres. Non, mais la question que je me suis posée tout au long de la pièce, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déplorer un sein qui sort ? Quel homme a jamais déploré un sein qui sort ? Non, est très heureux. On le déplore. Sa propre femme. Qui sort de scène, peut-être. Le sein has left the building. Non, figurez-vous que non. Non. Tout ceci est du rêve et tout ceci. Il y a un harnachement en titane qui empêche toute D'accord. sortie de téton. Mais par contre, la nuisette de Tania est le gros élément marketing du spectacle. Oui. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue. Hein, oui, le mec qui va voir la pièce, il dit pendant toute la pièce, est-ce que son nichon va sortir ? J'étais voir un très très chouette film qui a pour titre Un petit boulot. Ah, wow. Film de Pascal Chaumet avec Pôle emploi. Avec Romain Duris et Michel Blanc, mais aussi notre ami Charlie Dupont qui joue Jeff. Et qui est formidable. Il est formidable. Oh, c'est tous les comédiens sont formidables. Alex Lutz. Est extraordinaire. Et Charlie Dupont a un excellent rôle aussi. Je n'ai jamais vu un film où on buvait autant de chimée. C'est marrant, tout le monde en parle. Et je déplore, parce que tous les journalistes ne parlent que de ça. Et je me suis rendu compte après que je n'avais pas bu assez pendant le tournage. En fait. on n'a pas du tout profité de ce qui se voit à l'écran, n'est pas toujours dans. Mais pourquoi la chimée ? Tourner en Belgique peut-être ? Oui, tourner en Belgique, bien sûr. Tout est en Belgique ? Là, comme tous les bons films français. Populisme à peu de frais. Notre ami Cody. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce JT des Good News, le JT des Bonnes Nouvelles. Et on commence avec du sport et les Paralympiques. Nous allons prendre des nouvelles à Rio avec notre envoyé spécial Jean-Louis, ce journaliste sourd-muet et aveugle. Alors, bonjour Jean, alors comment se porte notre jeune médaillé olympique depuis sa victoire au tennis de table ? Bien, on s'en doutait. Merci, Jean. Insolite, la plus longue chatte du monde mesure 1,18 m, ce qui laisse rêveur. Et oui, Lily, jeune Maine Coon, 5 ans, a fait son entrée dans le Guinness Book des records et devient le félin le plus long du monde. Vous attendiez un truc salace, c'est raté. Technologie, nouvelle success story dans la Silicon Valley. Une nouvelle encyclopédie numérique vient de naître sur Internet. Elle est exclusivement accessible pour les alcooliques et s'appelle Whiskypedia. Mobilité, la sécurité routière rappelle qu'utiliser son téléphone au volant est une infraction du deuxième degré et peut coûter minimum 100 euros. Nous rappelons que de toute façon, ça ne sert à rien de téléphoner au volant. Il ne répondra pas. Et nous terminons avec ce proverbe africain. Si tu te tapes la tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Magnifique. C'est la fin de cette édition. Magnifique. Magnifique. Pas de nouvelles. Allez, pas de nouvelles. Donc s'il y en a, c'est qu'elles sont forcément mauvaises. Bon dimanche. Merci, bravo Connie. Notre petite séquence du personnage mystère. Je demande à Brigitte Quevrin de nous rejoindre. Elle est dans la salle, voilà Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Je vous conseille, allez voir Un petit boulot au cinéma, vous verrez Charlie formidable. Allez le voir partout. Oui, oui. Moi, c'est vrai, au théâtre, allez. Partout. Et au théâtre, exactement, allez, en février, dans... au Théâtre Royal de Namur. Et dans Marie et Femme, puisqu'on en oui. est là, à partir du 10 novembre, au Théâtre Le Public, un spectacle de Woody Allen. Jusqu'au 31 décembre, et est-ce exactement. Est-ce que dans Tuyauterie, il y a beaucoup de vannes? Je vous demande de vous arrêter, Bourdon. Un excellent tuyau de ta part. Bon, Brigitte nous a rejoint. Oui. Entièrement nue, je tiens à préciser aux auditeurs. Les gens ne le voient pas. C'est un plaisir. Parce que l'endroit où elle habite a une histoire. Très très belle histoire. À vous de savoir de quoi il s'agit. Moi je dis que Madame Quévrin habite Place Royale. Non. Non. Elle habite à Lapland, un faubourg à deux pas ici de Wépion. Elle habite à Château. La maison. La maison, oui. Ils ont la maison. Quelqu'un d'important habité. Oui, voilà. Habitait, non, mais... Habite toujours. Napoléon est passé par là. Non. Ah, Victor Benoît Hugo. Poulvord Hugo. Pense qu'il habite chez vous. Il est déjà ah. venu, oui. Baudelaire, oui. Baudelaire. Non. Ah, Rimbaud, eh bien, on n'est pas loin. On n'est pas loin, c'est son pote. Rimbaud. Verlaine. Non. Verlaine. Non. Jules ah oui, Félicien Rops, maintenant. Oui. Exactement. Vous habitez à la maison de Félicien Rops. Non. Pas la maison. Non. Armand Dandois travaillait là-bas. Il avait un atelier et Félicien Rops l'accompagnait régulièrement dans l'atelier de sa maison pour peindre également un petit moment. Ce n'est pas ma maison, c'est l'auberge de jeunesse à La Plante et qui s'appelle l'auberge de jeunesse Félicien Rops, avenue Félicien Rops, parce que il venait de temps en temps peindre chez son ami Armand Dandois, oui, exactement. Oui. Je ne sais pas ce qu'il chante. Si, c'est un chanteur de Rops. Rops Around the Clock, toujours. Voilà. Du Rops and Roll. L'inventeur du Roll Mops. Les gens ne le savent pas, ça. Et Charles Baudelaire a dit « Rops est le seul véritable artiste en Belgique ouais. ». Et donc, c'est devenu une... une auberge de jeunesse, oui. Qui existe depuis combien de temps? Qui existe depuis 1960. Ah, mais c'est une auberge de vieux, maintenant, alors. Une auberge de vieillesse. Il y en a une auberge de vieillesse, c'est un hospice. Non, mais les gens sont sortis avec Christophe. On vient du monde entier. Oui, beaucoup ouais. les pays limitrophes, mais sinon, oui, Amérique, Australie, Afrique du Sud. Syrie. Pas encore. Pas encore, dit-elle. Merci en tous les cas d'être venu nous rejoindre, Brigitte. Bon, allez, la petite pause. C'est le moment important pour se remettre les idées en place et puis nous retrouverons un infomane, celui des enfants de cœur, Bruno Coppens. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur la page Facebook de l'émission. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. Ah, la nature. Les petits oiseaux. Cui-cui. Le grand air. Et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison. Pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, l'horizon, c'est loin. Oh, oui, c'est loin. On s'en va ? On s'en va. Eh oui. Résistez à la très belle finition sportive ST-Line des Ford Fiesta, Focus et Mondeo au Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford. Ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. C'est la braderie d'automne au Stockel Square. Un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedi et dimanche. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, il y a vraiment tout pour nous plaire. Stockel Square. 9h, 10h30. Si tu regardes ton reflet dans la mare et que tu vois que tu as quatre couilles,

J'ai 11 ans. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Tes parents sont dans la salle? Il y a mon papa là-bas. Bonjour. Les enfants sont formidables. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est architecte d'intérieur. Et toi, Samy, que voudrais-tu faire plus tard dans la vie? Je voudrais faire de la radio. Ah ouais? Ah. Et ton voisin, il fait quoi dans la vie? Lui aussi voudrait faire de la radio. C'est qui ton voisin? Il est où ton voisin? Il est juste ici, c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques Brunin. Jean-Jacques Brunin. Non mais on n'a pas dit ton voisin à l'école, hein. Samy. C'est petit. Samy, il y aura bientôt une place pour toi dans l'équipe. Je vais régler le sort de l'un là-bas. Et t'as même pas besoin d'être drôle. Allez Samy, blague de merde, on y va. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Oui. Hey. Ah oui. Bravo. Voilà. Magnifique. Ben oui. Ah, magnifique. Eh ben elle est mignonne. Voilà. Très très bien. Cadeau pour toi également, ah, Samy. Oui. Bravo. Et le micro à Julien. Et Samy de mes Samy sont mes Samy. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Et vous, d'où nous venez-vous? De Jean Blou. Et vous faites quoi dans la vie, Julien? Je travaille dans l'environnement. Bah, c'est un beau métier quand même. Si, il y a plein de belles choses à faire en matière d'environnement. Oui. Tout à fait. Allez, on y va, blague de merde de Julien. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir. Alors c'est Jennifer hein, qui a passé tout l'été au Club Med sur la Costa Brava. Et Jennifer, elle en a bien profité de ces deux mois d'été au Club Med. Elle n'a pas fait que s'enfiler des cocktails, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Et puis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, vient le jour de son départ et elle se rend à l'aéroport. Et puis, passer les formalités de l'enregistrement, qui ont été d'ailleurs très vite parce qu'elle n'avait pas beaucoup de bagages avec elle. Elle arrive dans l'avion et puis elle s'installe près d'un beau jeune homme. Et puis voilà, elle se cale confortablement dans le fond de son siège, elle pose ses mains sur ses genoux, et puis là elle laisse échapper un soupir, elle dit « Ah, enfin réunis !» Et là le jeune homme à sa droite s'étonne, mais excusez-moi, on se connaît ? « Ah non, je parlais pas de vous, je parlais de mes genoux. Oh. » Bon dimanche. Oui. Oui. Bon dimanche, oh. Cadeau du musée de la fraise également pour vous Julien. Je sais pas que vous avez une petite blague aussi, Charlie. Quel est le point commun entre une femme et une piscine en Belgique? C'est très cher pour le temps que tu passes dedans. Les enfants de cœur sur Vivacité, du pain béni pour les décoincés du culte. Oh mon Dieu. Allez, dans quelques instants, les informations de 10h, il y aura les baraquis, il y aura la chronique de Christophe Bourdon et Jean-Michel de Bénezet. Ouais. Non, c'est parce que vous savez pourquoi je reviens à l'émission, c'est parce que depuis que je fais l'émission, je regagne de la mémoire à crever. C'est bien simple, on est le 25 septembre, et bien je sais très bien ce que je faisais le 13. Comme si c'était hier, ou même aujourd'hui. Parce qu'il faisait très chaud, et là, c'est là que j'ai commencé à penser. Je me dis, quand il fait chaud, on enlève des trucs, on se met en t-shirt. Et je voyais les arbres qui étaient pleins de feuilles. Et je dis, c'est bien ça, ils ont plein de feuilles en été, et quand il fait froid, ils sont tout nus. Et le bon Dieu qui était encore pété le jour où il a fait ça. Bon, je vais aller dire une messe pour mon âme. À plus tard. À tout à l'heure, Jean-Michel, les infos de 10h, c'est tout de suite. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. David Godefroy, très bonne matinée à tous. Pas de nuages à l'horizon ce matin. Le mercure grimpera rapidement à partir de 13-14 heures. Une zone nuageuse gagnera tout de même l'ouest de la Belgique, apportant quelques averses, parfois orageuses. Cette perturbation arrivera au centre vers 16h-17 heures, avant de rejoindre l'est du royaume en début de soirée. À l'avant, l'ambiance sera estivale, avec des températures maximales au-dessus des normales de saison, à savoir 20 degrés au littoral, 21 degrés sur les hauteurs ardennaises et 23 à 24 degrés sur le reste du pays. Viva! Cala Salvatore! Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles. Quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvatore. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Villevorde et Rode-Saint-Genèse. Salvatore.be. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Mountain bike à la montagne. Oh, c'est calme ici. Ou plonger dans la mer. Oh, c'est calme ici. Lâchez-vous, profitez de votre voyage, Neckermann s'occupe de tout. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction First Minute. Neckermann, vous êtes en vacances. RTBF présente Mix City. Bruxelles, oh Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Coq-Off, BX1 et le soir. Vous êtes bien branchés sur Vivacité, il est précisément 10h. Le journal vous est présenté par Julie Buron. Bonjour à tous. Dans une heure, Paul Magnette et ses ministres seront à l'Élysée. Le ministre-président Wallon va dévoiler les détails du budget. Un budget quasi bouclé hier. Yasmina Favaro, que savons-nous pour l'instant? Eh bien, peu de choses filtrent pour le moment, mais ce que l'on sait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Wallons. Pas de nouvelles taxes. La majorité PS-CDH a tenu sa promesse. Depuis tôt ce matin, les cabinets apportent des finitions au budget. Tout sera validé avant 11h pour la présentation à la presse. Un budget sans nouvelles taxes, ça veut dire sans nouvelles recettes. Ça induit que le retour à l'équilibre prévu pour 2018, normalement, sera sans doute reporté. Alors le budget wallon aujourd'hui, celui de la Flandre hier, la Flandre qui rend un meilleur bulletin. Oui, là aussi, pas de nouvelles taxes, 400 millions d'euros d'investissement et ce budget, lui, est à l'équilibre. Les ministres étaient tout sourire en l'annonçant hier. Pour les détails, il va falloir attendre demain. Geert Bourgeois, le ministre-président flamand, va le présenter dans son discours de rentrée devant son Parlement. Merci Yasmina Favaro. Un incendie hier soir dans une habitation à Moucron. Les pompiers ont sauvé 2 personnes. Peu de détails ont filtré. On sait que l'incendie s'est déclaré à proximité du parc d'activité économique de Moucron. Une auto-échelle, une autopompe, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été nécessaires pour venir à bout du feu. Un homme de 98 ans a été retrouvé mort dans son habitation du centre de Trot, en province de Liège. Une personne proche et faisant partie du voisinage de la victime a été interpellée. Elle a été entendue par les inspecteurs de police. Selon les autorités judiciaires, le mobile reste encore à déterminer, même si la piste d'un contentieux suite à une affaire de mœurs est évoquée. Le parquet est donc descendu sur place et une enquête est ouverte. Dans l'actualité internationale, cette réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ce soir à New York. Réunion à la demande des États-Unis et leurs alliés européens. Une réunion pour évoquer l'escalade de la violence à Alep en Syrie. La ville subit une pluie de bombes depuis plusieurs jours. Des bombes qui sont larguées par le régime syrien et son allié russe contre les quartiers rebelles. Les pilonnages sont incessants, les hôpitaux sont débordés. 45 civils ont perdu la vie, selon des ONG. Les États-Unis et l'Union européenne ont déclaré que le rétablissement d'une trêve en Syrie dépendait de la Russie. Pas de finale pour David Goffin au tournoi de Metz. Le Liégeois s'est incliné hier en 2-7 face aux Français. Lucas Pouille, 7-6, 6-1. Une troisième défaite en 3 duels de Goffin face aux Français. En football, Charleroi remonte sur le podium de la D1. Les Zèbres ont battu Ostende hier soir, 2-1. Zulte Waregem est toujours en tête après son succès, 2-3 à Malines. La Gantoise a battu Saint-Tron 2-1 et puis partage un but partout entre Wasteland et Lokeren. Cet après après-midi. Le Standard reçoit Eupen, le Standard qui reste sur une élimination mercredi en coupe à Gail, un club amateur. Mais depuis son retour en première division, Eupen séduit aussi par son beau jeu. Écoutez le gardien Hendrik Van Krombrugge avec Pascal Chimé. Je pense que nous aussi, on a un bon esprit d'équipe et de guerrier pour enchaîner ce match. C'est vrai que c'est seulement 30 minutes de Eupen, mais un derby wallon, mais les gens à Eupen se considèrent pas comme des wallons. On est des germanophones, donc c'est pas un match plus important que des autres pour les gens d'Eupen. Un match contre Aix-la-Chapelle ou contre Gladbach, c'est plus important que le Standard. Hendrik Van Krombrugge avec Pascal Chimé, match à 14h30, puis à 20h, Anderlecht recevra le dernier, Westerlo. Enfin, un mot de volley, la Belgique féminine est qualifiée pour l'Euro. Les Yellow Tigers ont gagné leur cinquième match consécutif contre la Bosnie. RTBF Mobile Info avec vous, David Godefroy. Il y a un accident qui s'est produit sur la Nationale 4. Nationale 4 Arlon en Namur, au kilomètre 139 à hauteur de Sonnenchamp. C'est peu après Bastogne. Le passage est difficile en direction de Namur. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les enfants de cœur sur Vivacité avec Jean-Jacques Brunin. C'était le journal de Julie Buron. Nous retournons tout de suite dans la salle du Bienvenue à Wépion. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offert, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Heures, 10h30. L'amour avec un grand A, c'est... Une femme avec un beau décolleté. J'ai deux passions dans la vie, la bouffe et le sexe. C'est pour ça que je me suis laissé pousser la moustache. Hein. Et Freddie Mercury, il n'avait pas la moustache peut-être? Freddie Mercury est homo. Les enfants de cœur. Avec Charlie Dupont depuis la salle Le Bienvenue, ici à Wépion et ce merveilleux public. Et ce qu'on vient d'entendre, Charlie, c'est la bande d'annonce du film 2 au carré. C'est vrai. Où, curieusement, vous retrouvez encore votre épouse. Toujours dans un rôle de nymphomane et je devrais peut-être me poser. C'est un film dont vous avez écrit le scénario. Que j'ai coproduit, dont j'ai initié l'idée originale, qui n'a absolument rien d'original d'ailleurs. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un couple qui devient le double boulet d'un autre couple. C'est ça, voilà, exactement. La mécanique du boulet traditionnel des films de comédie. C'est un petit film sans prétention, mais avec beaucoup de rire dedans et beaucoup de plaisir. Oui, sympathique, sympathique, effectivement. Et puis vous retrouvez à nouveau Tania dans cette pièce de Woody Allen, qui était aussi tirée d'un film de Woody Allen avec Mia Farrow. Husbands and Wives, tout à fait. Public, hein, au public. Et vous êtes Une belle bande d'ahurie, oui, nous avons une brochette sublime. En termes de barbecue, nous avons Damien Gillard, le sémillant, le merveilleux, avec qui je partage les professionnels sur YouTube pour les gens qui ont Intermail. Avec Nicolas Beuys, charmant garçon de Namur d'ailleurs. Oui, absolument. Isabelle De Fossé, qui porte bien son nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et vous deux. Et nous deux. Il faut dire juste que c'est une mise en scène de Michel Bogen, le mari et femme, car c'est un travail énorme qu'il fait, puisque c'est la première fois qu'on adapte ce film de Woody Allen, déjà drôle, au théâtre en Belgique. Et vous, ça va? Oui, je vous remercie. Tout va très bien. Et l'équipe se porte bien? Mais l'équipe se porte bien. Cody, James Dino, Christophe Bourdon et Dominique Watrin pour vous accompagner jusqu'à 10h30. Bon, question sonore, question tirée des archives de la Sonuma. Nous remontons en 1961. Écoutez et à vous de deviner de quoi il s'agit. Quand un mouvement politique quelconque parvient à réunir dans la capitale quelques 10 000 marcheurs, les organisateurs crient au succès. Comment expliquer dès lors que tous les 15 jours, pendant 8 mois, on puisse réunir bien plus facilement encore 25 000 personnes qui acceptent de faire la queue comme au plus mauvais jour du rationnement? Déjà le ton, hein, c'est journal télévisé, 1961. À votre avis, de quel événement parle-t-il qui réunit plus de personnes qu'une grève nationale, par exemple? Une joyeuse entrée. Non. Une pièce de théâtre de Charlie Dupont. C'est une commémoration? Non, pas du tout. Un salon. Non. La foire du midi? Non. C'est festif? C'est quelque chose en plein air? C'est festif, oui, on peut dire que c'est festif. Oui. C'est en plein air? Ça se passe en plein air. Tous les 15 jours, pendant 8 mois. Pendant 8 mois, exactement. C'est un élément important. La grossesse de Fabiola. Tous les 15 jours, on peut venir la voir. Et alors? Et ce n'est pas ça, malheureusement. Et on est dans du royal, on est dans du... Pas du tout. Pas du tout, on est dans du... Festif. De consommation. Festif, non, ça, en tous les cas, le public y va pour passer un bon moment. Une piscine. Ah. Et ça existe toujours aujourd'hui. Et ça existe toujours aujourd'hui. Oui. Les choses où on marche. C'est un monument. C'est non. Un monument à visiter. Comment? Le foot. Le foot. Le football, le football. Exactement. Évidemment, le ah football. Oui, non. Écoutez la réponse. Ce miracle, c'est le football. Le 21 décembre 1913, le trésorier du Sporting enregistrait une recette de 833 francs 50 centimes pour un important match contre Mali. 833 francs 50 centimes. Fortune. Belle recette, hein. Moi, j'ai envie de parler comme ça pendant tout le reste de l'émission. Avec grand plaisir. Jean-Jacques Brunin, non? Les enfants de cœur. Avec un Conny Kim. Jean Dino. Dominique Watrin. Et la chronique de Christophe Bourdon. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Les enfants de cœur. Avec des actus à la loupe, les actus à la loupe, le magazine qui passe à la loupe les véritables actualités de Namur et de sa région, parce que l'actu régionale, plus c'est véridique, plus c'est magnifique. Un sacristain de 74 ans s'est retrouvé devant le tribunal de Namur après avoir roué de coups une dame qui, selon lui, ne respectait pas le règlement de l'église où elle se trouvait. Interrogé par le juge, le sacristain aurait déclaré « Je ne vois pas où est le problème, j'ai juste voulu multiplier les pains ». Le triathlète... Ne m'encouragez pas. Le triathlète Wépionné, Julien Deneyer, a traversé la Manche à la nage en un peu plus de 15 heures, devenant ainsi le premier Namurois à accomplir ce bel exploit sportif. Malheureusement, de retour à la maison, Julien a été renvoyé par son employeur. Il déclare « Si c'est comme ça, je vais retourner faire la Manche ». Au tribunal correctionnel de Namur, une ancienne patronne d'un salon de massage situé à Champion est poursuivie comme auteur ou co-auteur de l'assassinat d'une de ses employées. Devant la justice, l'accusée aurait déclaré, je la cite, « Je n'ai pas pu tuer cet employé, je l'aimais comme ma sœur ». Lu sur le site du journal Avenir, ce titre que je vous livre tel quel, il est véridique. « Bruit d'explosion à Namur, pas d'inquiétude, c'était une bombe ». On est rassuré, merci l'Avenir. Un individu a été interpellé par la police sur l'aire de Spi. Il est en effet soupçonné d'une série de tentatives de vol sur des camions cargo. Jean-Jacques va venir à 100 mètres. Jean-Charles Luperteau déclare « Il peut venir me voler ma petite boule de remords quand il veut ». Un habitant de Wépion accuse un avion d'avoir largué son réservoir au-dessus de son quartier. L'habitant témoigne « J'étais dans mon jardin en train de jouer au poker avec des amis quand j'ai senti une forte odeur de kérosène. Moralité, tu commences ta partie de poker avec un brelan, tu la termines avec un fioul ». Oui, c'est lamentable, mais il faut assumer. À Malone, la police a mis la main sur 1400 plants de cannabis d'une valeur de 680 000 euros. Et nous retrouvons en direct le commissaire qui a fait cette découverte. Alors commissaire, vous êtes dans l'hangar, vous avez mis la main sur ces 1400 plants de cannabis. Je sais que vous êtes en ce moment précis où je vous parle en train de brûler ce cannabis pour le détruire. Alors comment se passe l'opération? Merci commissaire, c'est toujours bien quand on vous joint. Et enfin, le journal L'Avenir annonce la venue des enfants de cœur à Wépion. Et le journaliste est visiblement un grand fan de l'émission, puisque dans son article, on peut y lire, je le cite, c'est authentique, Jean-Jacques Brunin viendra avec toute sa bande, composée cette année de Cody, Dominique Watrin, James Deans et Didier Bourdon. Didier Bourdon, il t'emmerde. Ainsi se terminent ces actus à la loupe. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'actu régionale, plus c'est véridique, plus c'est magnifique. Didier Bourdon. Et nous aurons notre ami Jean-Michel de Bénézé dans quelques instants, juste après la petite pause. Est-ce que vous allez toujours bien? Oui. Restez oui. Comme ça jusqu'au bout, à tout de suite. Le dimanche matin sur Vivacité, les enfants de cœur sont sacrément drôles. Aujourd'hui, on va travailler les genoux, on relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux, prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante, ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. Ce dimanche 25 septembre, c'est le Loyalty Sunday chez Galeries Hainaut. Ne le ratez pas, vous profiterez de moins 20% sur une grande sélection de marques dans tous nos magasins. Tous les styles vous y attendent. En plus, les bons Loyalty sont acceptés, voire conditions en magasin. Galeries Hainaut, l'espace de style. Oh là là! J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement deux chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, visitez le pavillon de vente sur le site. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Aulieu-Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche, de 14 à 17h, dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or, à Aulieu-Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Vivacité. 9h, 10h30. Sinon, on a aussi inventé un autre truc. Le maillot pour femmes qui ont des petits seins. Ah, bah c'est bien ça, c'est comme ma femme, tiens, elle a des petits seins. Ah bon? Et ça te gêne pas? Non, j'ai des petites mains. Les enfants de cœur. Tiré du feuilleton Les Baraquis qui clôturera cette émission avec Charlie Dupont. On vous a vu dans quelques films importants. Je parlais de Un petit boulot. Il était une fois il y a peu de temps avec François-Xavier de Maison, Jean-Luc Couchard. Est-ce qu'il y a d'autres projets cinéma qui s'annoncent? Il faut signaler ensuite, Le petit boulot est à l'affiche pour l'instant, mais est en tête du box-office français, s'il vous plaît bien. Ah oui. Mais il y a la sortie d'un film qui est un premier film de Solange Sicurel avec Jennifer, la chanteuse, et ma femme Tania Garbarski, encore et toujours. Ariel Mallet également, qui est assez cocasse de sa personne, qui sort en janvier, je crois, qu'il s'appelle Faut pas lui dire. C'est tout, je dirais. C'est tout pour l'instant. J'ai dit, il faut pas lui dire. Non, mais théâtre, beaucoup de choses quand même. Les Magritte. Théâtre, si vous me poussez pas. Et les Magritte, et oui, évidemment, ça, les Magritte. Est-ce que ça aura encore lieu? Est-ce que vous je présenterez encore? Je ne dirai rien là, l'air. Oui. Non, au théâtre, par contre, nous lisons pour l'instant, et alors là, ça rigole plus du tout, un texte de Rachid Benzine, qui est un islamologue et néanmoins co-auteur de Jamel, donc qui sait à la fois rire et pas du tout, et qui là a écrit un échange épistolaire entre un père islamologue et sa fille, qui n'a pas réussi à empêcher de partir en Syrie. C'est particulièrement dru, mais nous commençons une série de lectures, parce que plus par un geste, je dirais, politique et philosophique, parce qu'il faut dire ces choses-là aujourd'hui, et qu'il faut transmettre des émotions plutôt que des raisons. Il faut inciter au doute plus qu'aux certitudes, et ce texte-là le fait à merveille. On passera à Liège très bientôt, et à Paris, Inch'Allah, comme on dit à Molenbeek. Merci beaucoup Charlie. Après-demain, nous serons à Momini, spectacle complet au Kursaal avec Dany et les jumeaux, et le 11 octobre à Visé, salle des Tréteaux, avec Ophélie Fontana et Philippe Reynars. Les réservations 0495 36 38 39. Je vous demande d'accueillir Jean-Michel. Je m'appelle Jean-Michel. Je suis comme la nature m'a fait. Belle a dû te faire en fin de moi qui... C'est gentil, hein. Non, c'est parce que vous avez fait un film où ce qu'on boit tout le temps de la chimée, hein, oui. N'est pas une version Orval. Vous devriez faire une version par abbaye. Ce serait cool. Non, c'est parce que... Moi, j'ai rien contre les journalistes sportifs, hein. Il y en a des bons, hein. Mais il y en a, franchement, on se demande où ils sont, hein. Que je vous explique, je regardais les Jeux Olympiques. Je sais, c'est vieux, mais moi, il faut le temps que le front tombe, hein. Et alors, c'était le lancement du poids. T'en veux déjà pas que ça existait, moi, ce bazar-là. Donc, c'est un type, il prend une boule et il la lance le plus loin possible. C'est comme de la pétanque, mais t'as qu'une boule. Tu lances le cochonnet et puis c'est tout. C'est biaisé comme truc, ça. Et alors l'homme, hein, à 4 cm près, il avait une médaille. Donc il est vraiment tombé à 4 cm près. Et le journaliste sportif, qui avait sûrement mal dormi ou quoi, qui va le trouver et qui lui dit, voilà, vous êtes quatrième, vous êtes à 4 cm d'une médaille, est-ce que vous pensez avoir réussi vos Jeux Olympiques? Dit, il est fou cet homme-là ou quoi? L'homme, ça fait 4 ans qu'il s'entraîne, parce que c'est tous les 4 ans, hein, ces biestries-là de Jeux Olympiques, hein. Quand tu rates ta journée, t'es foutu, t'en n'as pas 4 ans, hein, attends. Donc il s'est entraîné tous les jours. Il a pris l'avion, 15 ou 20 heures d'avion pour aller au Brésil. Que si ça se trouve, l'homme, il est malade en avion, il n'aime pas. Il a peut-être vomi et tout, hein, l'homme. Et il arrive sur place, qui fait pétant chaud. Parce que c'est peut-être un homme qui vient du Nord, hein, de Suède, des Pays-Bas ou de Flandre, on ne sait pas, hein. C'est un homme qui vient de là, donc il crève de chaud et tout. Il a une journée pour prouver tout ça, et pan, il tombe à 4 cm. Et l'autre qui vient lui demander s'il a réussi ses Jeux Olympiques. Dit, il va s'en prendre une, lui. Parce que le poids, le lancement du poids, on ne voit ça qu'aux Jeux Olympiques, hein. C'est pas comme le foot et le cyclisme, hein. T'en as pour 4 ans avant de le revoir, hein. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un lanceur de poids, mais c'est pas un joueur de ping-pong, hein, l'homme. Si t'en retournes une, tu tournes 4 fois dans ton slip, hein. Et l'homme, il est là. Est-ce que vous pensez avoir réussi vos Jeux Olympiques? Non, moi, je dis, il y a des bons et des mauvais partout, hein, des bons et des mauvais dentistes, des bons et des mauvais animateurs de radio, des bons et des mauvais journalistes sportifs, mais il y a quand même tout dit qui que ça quoi qui ne va pas. Il s'appelle Jean-Michel de Bénezet, son double CD avec ses meilleures chroniques. Allez, dernière petite pause, et puis nous retrouverons le feuilleton écrit par Christophe Bourdon avec un rôle sur mesure pour Charlie Dupont. Les Baraquis, on se retrouve tout de suite. Les enfants de cœur, tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. À chaque moment de la journée, vos artistes préférés sont sur Vivacité. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles. Quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvator. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Villevorde et Rode-Saint-Genèse. .be. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivée devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Monsieur le directeur. Jean-Pierre, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euro-million, devenez scandaleusement riche. Et me voilà ici, tout seul, dans l'horreur. Ce n'est pas bien grand, donc je me suis fait tout petit. Ce sont les enfants qui avaient proposé un service flat. Un service flat. Ha ha, je t'ai trouvé, papy. Oh, t'es trop fort, Simon. J'étais pourtant bien caché. Ouais. Qui aurait pu croire que je me plairais autant chez Harmonia? Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonia est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0800 93 430 ou sur harmonia.be. Harmonia, le bonheur à tout âge. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On voit qu'il a fait du karaté, Kéliot. Lui, c'est celui qui a raté. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Dernière ligne droite avec, dans quelques instants, le feuilleton Les Barakis. Nous sommes au bienvenue ici à Ouépion, en compagnie de notre invité Charlie Dupont. Bonjour. Et toute l'équipe des Enfants de Cœur. Est-ce que vous avez préparé votre rôle dans Les Barakis, Charlie? Baraki de conscience, oui. Gros travail, évidemment. Voici donc James Dino dans le rôle de Kevin Josiane, la maman Baraki. Dominique Watrin, c'est Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane. Cody, Kevin Bryan, le fils Baraki. C'est pas encore drôle, hein, Charlie? Si, si. Ah, aujourd'hui, en compagnie donc de Charlie Dupont, les Baraki sont aux Jeux Olympiques de Rio. Non, dites chose. Kevin Oufti, Kevin Bryan, on est au Brésil. On est au Brésil. M'en parle pas, je suis dégoûté. Hier, j'ai dragué une Brésilienne dans un bar. Elle s'appelait Ginette. Je l'ai emballée grave, puis je l'ai ramenée dans ma chambre. Et alors? Ben, avant de se coucher, elle a utilisé ma mousse à raser et mon rasoir. J'ai commencé la soirée avec Ginette, je l'ai fini avec Gillette. L'imperfection au masculin. Et moi aussi, j'ai dragué une Brésilienne hier soir. Je l'ai ramenée dans ma chambre, puis je lui ai dit « je veux te voir sans bas. » Et là, cette grosse bière s'est mise à danser toute seule, j'ai rien compris. Ben, moi aussi, je me suis tapé une Brésilienne hier soir. Ah bon? T'as couché avec une femme, toi? Tu as dit j'ai loupé ça, moi? Ben non, je suis allé chez un glacier, je me suis tapé une Brésilienne avec plein de caramel, comme d'habitude. Excusez-moi, vous êtes dans les vestiaires des femmes, là. Ah, fallu grande. On cherche Nafissa Toutiam, la médaille d'or en heptathlon. Oui, oui, oui, c'est moi, je suis Nafissa Toutiam. On dit heptathlon. Ah bon? C'est la sœur à Julie Tatelot? Non, l'heptathlon, c'est le 100 mètres et le saut en hauteur, le lancer du poids, le 200 mètres, le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres, du grec hepta qui veut dire plein de trucs. Tu fais 7 sports différents, Forgiati. C'est bien les bonnes femmes sans jamais capable de se décider. On peut savoir ce que vous faites là? On est venu parce qu'on veut que tu participes à nos Jeux Olympiques à nous qu'on va lancer. Ça va se passer à Charleroi, ça va s'appeler le jeu Barakilympique. À Charleroi? Mais ils n'ont pas des infrastructures pour organiser les Jeux Olympiques. Enfin, t'es sûr de quoi? On te dit que c'est des jeux Barakilympiques. C'est des jeux olympiques, mais pour les Barakis. Tiens, voilà notre drapeau. T'as vu nos anneaux? Oh, comme c'est mignon. Des anneaux en plastique pour transporter un pack de bière. Ben ouais, c'est des anneaux de carapils. C'est les jeux Barakilympiques qu'on te dit. Ouais, par exemple, comme sport, on aura du saut à la perche à selfie. Tu sautes avec la perche et en même temps, tu prends des photos de toi pour les mettre sur Facebook. C'est génial, ça, non? Oui, oui. Et le 4x400 mètres, vous allez faire ça, le 4x400 mètres? Ben ouais, il y aura. Tu pars du night shop de la place verte, tu voles le pognon du paquet, tu cours 400 mètres, tu files le pognon à un autre, il court 400 mètres, il le file à un autre. Non, mais non, non, non, c'est n'importe quoi, ça, le 4x100 mètres. C'est une course relais avec un témoin. Ah ouais, ouais, ben c'est clair que s'il y a des témoins, t'auras intérêt à courir, hein, grand. Sinon, il y aura aussi du saut en largeur. Non, vous voulez dire le saut en longueur? Non, non, non, en largeur. Kevin Jonathan se couche sur le parking de l'Aldé et tu dois sauter au-dessus. Je peux te dire que t'as intérêt à prendre ton élan, hein. Ouais, sinon tu peux aussi sauter 3 fois au-dessus de Kevin Oufti. Oui, 3 fois, c'est l'épreuve du triple saut. Non, du triple court. Ouais, il y aura aussi du volleyball. Ah bon? Vous avez un terrain? Non, mais on va au Décathlon pour voler leur ballon. Du volleyball, quoi. Ouais, il y aura aussi du hockey sur gazon. Ah, c'est bien ça, avec les Red Lions. Non, non, non, non, non, c'est des mecs qui se couchent dans le gazon pour fumer des joints. Et quand tu leur demandes si ça va, ils te répondent « ok ». Et enfin, le sommet de la compétition, de la course à la voile. Sur la Sambre? Nani, toi, la course à la voile, c'est quand t'insultes la femme d'un musulman et que tu te barres en courant. La course à la voile, quoi. Mon Dieu, qu'ils sont cons. J'en ai vu des gens qui volaient pas haut. Hein. Mais vous, on peut dire que vraiment, vous êtes bas. Normal. On est bas, on est rare, on est qui? Et l'auteur de cette merveille s'appelle Christophe Bourdon. Bravo. Et Malvira. Et Malvira. Merci, Malvira. Vous avez passé un bon dimanche, Malvira? Très bon, merci. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une femme.

1985. Des indices, les voici. 28 mai, le 28 mai, c'est la première visite d'un pape en Grande-Bretagne par Jean-Paul II. Le 22 février, le gouvernement Martin V décide de dévaluer le franc belge. Et puis le 27 ans,